À l'École à la radio, on écoute la classe de 7e de l'École Sainte-Croix à La Fontaine. Bonjour, c'est Seamus. J'espère que tu as mangé un bon repas, car aujourd'hui, ça tombe bien, je vais vous parler de la cuisine. Avec la cuisine, tu peux faire des choses délicieuses. Le commencement de la cuisine était avec les hommes du passé, plus que 500 000 années passées. Maintenant, prends du papier et du crayon, car je vais te donner une recette pour le Rocky Road parfait. Cette recette fait 4 parfaits. Voici les ingrédients. Un paquet de 4 portions de chocolat ou de fudge au chocolat, mélange instanté de pudding, 2 tasses de lait, 1 demi-tasse de garniture de dessert fouetté surgelé décollégé, 1 quart tasse de cacahuètes non salées hachées grossièrement et 1 quart tasse de guimauve minuscule. Avec les ingrédients, nous allons préparer la recette. Préparez le mélange à pudding selon les instructions de l'enveloppe en utilisant le lait. Enlève 3 quarts du tasse de pudding et placez dans un petit bol. Incorporez la garniture fouettée et arrête quand tout est mélangé ensemble. Répartir le reste du pudding au chocolat entre 4 verres de 6 onces ou des plats de dessert. Garnir des mélanges de garniture de dessert. Laissez reposer pendant 5 à 10 minutes ou jusqu'à ce que tu es prêt. Ajoutez des cacahuètes et de guimauve. Si désiré, garnir de boucles de chocolat. Merci à tous de m'avoir écouté et bonne cuisine. Bonjour, c'est Samuel et aujourd'hui je vous parle des dieux grecs. Mais pas n'importe quel dieu grec, je vous parle du roi des dieux Zeus et comment il a eu le titre le roi des dieux. Plusieurs d'entre vous se demandent pourquoi as-tu dit le roi des dieux. Si vous savez qui est Zeus, vous saurez qu'il est le dieu des éclairs et du ciel. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de comment il a eu ce titre, alors je vais vous le raconter. Cette histoire commence avec le père de Zeus, Cronos. Tous les enfants que Cronos a eus, il a les mangés car il ne voulait pas qu'ils aient plus de pouvoir que lui. Zeus était le 6e enfant, mais sa mère savait que Cronos voulait le manger. Sa mère l'a donc amené à une île loin de Cronos pour lui donner naissance. Quand Zeus était assez vieux et fort, il a retourné voir son père et l'a empoisonné. À cause de l'empoisonnement, Cronos a vomi tous ses enfants qu'il avait mangés. Quelle histoire bizarre! Je vous laisse avec un petit savais-tu. Savais-tu que Poséidon, le dieu de l'océan, a inventé les chevaux? Hola, je m'appelle Tristan Drury et je vais vous parler de tacos. Il y a quelques semaines à peine qu'on mangeait des tacos lors de la fête de Cinco de Mayo. Les tacos sont un mets mexicain. Les coquilles dures ont été inventées en 1949. En effet, ce sont les coquilles molles qui ont été inventées en premier. Les coquilles sont faites de maïs. Voici des exemples d'ingrédients qu'on peut mettre dans les tacos. Mon ingrédient préféré sont les jalapenos. Mais peut-être que vous préférez d'autres choses sur vos tacos. Les autres options sont de la viande ou des haricots, du fromage, de la salsa, de la crème sure, des légumes et j'en passe. Tu peux trouver des tacos à un restaurant mexicain. J'espère que je vous ai donné la faim et que vous irez manger des tacos pour souper ce soir. Bye! Bonjour, ici José. Aujourd'hui, je vous parle au sujet de la musique. Moi, j'adore la musique. Il y a plusieurs genres, par exemple, la musique classique, la musique country, la musique pop, la musique rock et beaucoup d'autres. Donc, quel genre de musique préférez-vous? Moi, je préfère la musique country. J'adore dans cette musique, les mots racontent toujours une histoire. Parfois c'est triste, d'autres fois c'est heureux et d'autres fois ce sont des autres émotions. La musique country vient de Nashville, Tennessee. Et depuis les années 1700, les hommes et les femmes écoutent. C'est tout pour moi à l'instant. Je vous laisse avec une chanson que j'aime.